Sunny 90, là où tout a commencé le 7 août. Là j'ai vu le jour pour la première fois. Plein de gens autour de moi se demandant qui je serai plus tard. Né d'une famille nombreuse, pas toujours heureuse. Trois frères et une sœur, toujours solitaire. Même en temps de peur, quelques années plus tard, ma première maladie, grave selon les médecins. Après quelques mois passés à l'hôpital, j'ai compris que ma vie n'allait pas être si facile et si banale. Ça me faisait tant de mal. À l'âge de 4 ans, voir que des couloirs blancs, des hommes et des femmes en blouse blanche, dormir seul sans mes parents durant tous ces mois, ne voir aucun visage. Pour moi ça c'était tellement dur. Dans ma tête c'était comme si j'étais un prisonnier que l'on torture. Maladie soignée, c'était dur de reprendre vie normale. Avec ça dans la tête qui me hantait chaque nuit, chaque jour. Bref, pour moi cette maladie avait fait plein de ravages. Mais bon, la vie prenait sa tournure. Mes frères me changeaient les idées. Sur le terrain de foot, on s'amusait, on rigolait. On en avait plus rien à foutre. Les gens avaient beau nous critiquer, on s'en foutait. C'était la bonne époque, là on s'amusait. Entre potes, j'étais jeune, mais je me rappelle, ça a changé ma vie, ça m'a nourri. Voilà pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, ça en laisse des cicatrices. J'ai beau dire que je suis heureux, des fois je repense à eux, eux qui sont partis loin des cieux. Je ne vous oublie pas, quoi qu'il arrive, reste au fond de moi. Perdu dans le passé, perdu dans mes pensées. La seule chose qui me reste c'était écrire sur mon cahier. Je ne peux pas vous l'expliquer, car ma plume n'est plus ancrée. À peine 16 ans et j'ai déjà le cœur brisé. À cause de beaucoup de problèmes qui se sont accumulés. À cause de beaucoup de gens qui ne savent que parler. Je l'aimais et je l'aime encore, mais elle ne me croit plus. Dans mon cœur y'a des remords. Je me rappelle encore comment on s'est attaché. Du blog à MSN, au final on n'arrivait plus à se lâcher. Mais quelques temps après, les embrouilles sont arrivées. La jalousie fait place, on n'arrivait plus à se parler. Je ne pourrai jamais oublier ce 5 avril là où tout a commencé. Là on s'est dit bébé je t'aime et je t'aimerai. Là où on s'est dit si l'un devait partir, pas l'autre le suivait.